Sarpèche dans nos vies, dans notre politique, on a un nazi qui s'appelle Sarkozy. Voilà un son qui fait mal dans la bouche à Sarko. T'as voulu nous mener en bateau. Moi je sors les couteaux, sur un son ghetto. Un son racaille qui braque. C'est ce que tu voulais, pour plus hurler, tout brûler, pour pouvoir nous écrouer. Tu pètes pour les cités, un pas et plus trois dans les escaliers. Arrête de parler, tu vois pas que c'est toi la racaille qu'il faut débris au Karcher. Arrête de faire croire à nos mères qu'on est des fous la merde. Qu'on casse tout, qu'on n'écoute rien et qu'on s'enfonce dans nos problèmes. Arrête ce carnage, les ractualités sondages. T'es peut-être de un qui s'engage, mais crois pas créer un passage. Qu'est-ce que tu fais à vouloir faire ta politique? Tu sais très bien que chez nous ça marche pas être poétique. Et puis vite ton physique, tu feras plutôt dans fantastique. Pourquoi tu caches ta femme car tu sais qu'elle grimpe. Donc ne t'attire pas plus d'ennuis et vite de rôder. Et d'être partout si tu vois ce que je veux dire. Car je suis comme toi Sarkozy, son jeu au Monopoly. J'aurais les mêmes idées, je ne pensais qu'à acheter la rue de la paix. T'expliquer que les ghettos ne sont pas extrémistes. C'est pas en ramenant ta justice que là sera la réussite. C'est pas en disant que les agresseurs sont les rappeurs. C'est quoi qui te gêne dans notre valeur, notre manière d'être pensif. Qu'on se rebiffe ou qu'on déchiffre toute ta politique. Sarkozy, tu fais peur comme dans Dougie, j'ai ma carte d'électeur. Car j'entends trop de Sarkozy par-ci, trop Sarko par là. Après ça c'est nous les Kaira. Crois pas j'ai voté pour toi. Pas un seul jeune te donnera de voix. Tu veux faire pour la France. Et c'est comme ça que tu comptes y prendre. Laisse-moi comprendre ce que tu nous faire entendre. Nous rager, je pense que ce mot te plaît. Crois pas nous dresser, nous on est enragés. Nous on est enragés. Sarko on te maudit, toi t'en prends du plaisir. Je compatis, tu vois que ça réussit. Alors t'en profites et tu nous mets la suite. Si t'as pas de papier, va faire un petit tour en GAV. Ça va te décompresser. Tu aimes quand ça avance dans ce sens. Et tu crois qu'on peut obtenir nos chances. Ma préférence, je suis bourreau. Qui te tranche. Qui te tranche. Écoute Sarko, on aime vraiment pas tes propos. Faut vraiment que tu bouges là. T'es pas, c'est toi qui la quitte pas la France. T'es toujours en train changer les lois. Tout. T'es toujours en train de tout changer. C'est toi qui es pas content de cette France. C'est toi qui dois bouger. Avec ton petit Johnny Hallyday, ton petit Doc Gynéco. Ok? Non? Tu crois pas? Réfléchis un peu sur ça, hein? Va faire ta loi en Belgique là, s'il te plaît. Merci. Allez. Peace. And love.